60. J'parle pas la langue des putes. Ici trop de 6-2. Dans les keufs, pointe à la pointe, ça crie pu. Trop peu serre les coudes, trop de frères sous écrou. Que c'est qu'on keuf, arrête de regarder Clint Eastwood. Finir ou frio ou leur team. J'avoue c'est merdique, ça rangera aux prochaines élections. Ça c'est ce que le maire dit. Motherfuck, la terre entière s'entiète. On fait plus gaffe à notre dos qu'à notre santé. En bas des teams, en bas ça se tape pour un centime. Pas de sentiment, mec raconte pas ta vie, j'm'en bats. Marque de ce monde hypocrite artificiel. M'a dit que les ficelles de ce métier c'est le stream ficelle. Cherche le bonheur comme si je l'avais perdu. De la puta, merde des soucis. Si j'en ai pour deux, fuck les steaks. Tu sers au max, c'est l'indépendance des. Ici, les politiciens sont les pires gangsters. Avec mon Valentine, rien à faire à part mettre des carottes par en table. C'est des galères sous le Porsche à Sky. Vert de Sky, stylo Kaye. Je rêve d'un Porsche Cayenne. Pas tous nés sous une bonne étoile. Au quartier, t'as les gros bonnets. Ceux qui portent le bonnet d'âne. Partout t'attisses, ici partout s'attisses. Pas d'indice, soit tu vends, soit tu taffes à tout à 10. L'avenir, je le lis pas sur une boule de cristal. Cristal, j'écris comme je pète un boule en Toki style. Je dors avec mon Z là, caché sous le matelas. Matelas, dans ma ville, ils ont regroupé tout l'Atlas. Ici, la vie de patate avec une grosse chevalière. Chevalière, c'est ça la vie. En attendant, c'est garba, garba, garpla. L'état n'y voit rien, car il regarde pas. Au mic ça hagal, flot de bâtard qui fout la merde même en garde. Pas de remède à mon épidémie, c'est hemi. Même dans mon propre tiercar, c'est rempli d'ennemis. Trop de suspicion sur speed, j'veux peser comme Notorious Big. Mais j'capte rien comme une puce bouille. Ici c'est la zézère, mais les oraux j'les aurais. MDP, on vient des fois et des oreilles.